puisque la folie n'attend pas. Que ma vigilance assoupisse. Calmement se jouer de moi. En me promettant une armistice. Puisque tout vient à point nommé. Prophétie même sans mal le vieil adage. J'ai pu